Le brigand de Séville, par Laure Abrantès. Le soleil couchant dorait de ses derniers feux les remparts de la ville d'Alger, lorsqu'une troupe de soldats barbaresques sortit en bon ordre par la porte qui conduit à Belida. Au milieu d'eux, marchait un jeune homme d'une figure remarquablement belle, malgré l'abattement qui l'accablait en ce moment, et qu'on expliquait facilement en voyant les mains du jeune homme fortement attachées par des cordes qui lui coupaient la chair, et le bourreau marchait près de lui avec tous les instruments de l'horrible supplice du pal. Le costume du condamné paraissait étranger. Ses cheveux noirs et frisés n'étaient couverts par aucune coiffure. Son habit était d'une coupe européenne et paraissait espagnol. En effet, le jeune homme était de l'Andalousie. Il était d'une grande beauté. Sa taille était riche et bien prise, et ceux qui le voyaient passer en la compagnie du bourreau le plaignaient et plaignaient surtout sa jeunesse. Lorsqu'il fut arrivé au lieu du supplice, il eut, malgré l'assurance qu'il avait voulu montrer, un moment de souffrance, en voyant les préparatifs d'une mort dont la seule relation fait frissonner. Mais cette impression fut courte. Il reprit bientôt après l'air arrogant qu'il avait, et commandant lui-même l'exercice en riant aux soldats, il paraissait jouer avec la mort. Cependant, cette gaieté parut s'évanouir lorsque les gardes lui délièrent les mains pour l'attacher sur le pal. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui pour chercher un visage ami. Il ne vit rien. Rien que les visages basanés des Africains qui allaient recevoir le dernier soupir d'un Espagnol. Alors revinrent en foule les souvenirs de la patrie. Il se rappela l'Andalousie embaumée, Séville, ses jeunes et belles filles aux yeux noirs, Grenade avec ses tours, son vieil Alhambra et sa rivière qui roule de l'or, et puis Murcie avec ses belles vignes, ses coteaux fertiles. Oh, qu'en ce moment ses souvenirs avaient une puissance magique sur le moribond plein de force et de vie. Il le laissa voir sans morgue et sans faiblesse. « Frère, dit-il à un soldat du Dey qui était alors près de lui, je voudrais bien avoir un prêtre de ma nation pour remplir mes devoirs religieux. » C'était un subterfuge pour gagner du temps. « Mais, répliqua le soldat mahométan, tu n'as qu'à te confier à un de nos prêtres, ce sont de saints hommes. Veux-tu que j'en fasse avertir un ?» Le condamné jeta un coup d'œil rapide sur la foule. Il n'y avait aucun religieux. La proposition de l'Africain devait prendre au moins un quart d'heure. C'était autant de gagner sur la mort. Le jeune homme y consentit. Le soldat, en ayant demandé la permission à son chef, partit en courant pour aller chercher un fakir qu'il connaissait dans une grotte presque sauvage qu'il habitait sur le rivage sablonneux de la mer. Un quart d'heure était à peine écoulé, que le musulman était de retour, conduisant un religieux qu'il présenta au jeune homme comme un des hommes les plus pieux et les plus en Mahomet qu'il eut peut-être à 10 lieues à la ronde. Le fakir était un homme âgé de 50 ans à peu près. Il avait souffert, et dans ses jours qu'il avait voués à Dieu, il en était dont le souvenir faisait encore battre le cœur du fakir sous sa robe en haillons. Lorsqu'il vit le condamné, sa beauté, sa jeunesse et l'assurance qui était en lui lui inspirèrent un vif intérêt. Il s'approcha du jeune homme et lui fit quelques questions. « Comment t'appelles-tu » lui demanda-t-il. « Don Alvarez Diego Pinheiro. Quelle est ta patrie ?»« L'Espagne. Je suis de Séville. » Le fakir tressaillit. « Et moi aussi j'aime Séville » s'écria-t-il. « Il ne sera pas mis en oubli, ce ravissant pays d'Andalousie. » « Mon ami, pour quel crime es-tu condamné ainsi à la peine capitale ?» Pinheiro fut embarrassé, il baissa les yeux. Le chef de l'escorte répondit pour lui. « Saint homme, dit-il au fakir, cet Espagnol auquel vous paraissez vous intéresser est coupable de meurtre. De meurtre sur une femme. Le crime a paru tellement odieux que le juge qui a prononcé sur cette affaire a condamné sans appel. « Qu'avez-vous à dire, mon fils ?» dit le fakir en s'approchant du condamné. « Rien, répondit l'assassin d'une voix douce. Je suis coupable, je le sais. Mais mon père, vous connaissez assez les lois pour savoir que l'intention seule emporte la pensée du crime. Mon père, j'aimais avec passion, mais une de ces passions qui décide de la vie tout entière, une jeune fille. Vaincue par mes larmes, par mon amour, cette jeune fille me sourit et me donnait la main en gage de foi et d'alliance. Il y a 3 jours qu'en entrant chez elle, je trouvais dans ses bras un moine impur. un misérable moine dominicain. Oh, alors je n'écoutais rien. Je me précipitais sur le couple perfide, et mon couteau traversa leurs deux cœurs. Je n'y ai pas de regret. Et si je me trouvais dans une circonstance semblable, je ferais encore de même. En parlant ainsi, ses yeux noirs lançaient des éclairs. Le fakir le regarda avec une sorte de pitié. Il voulut essayer de la générosité sur cette âme qu'il pouvait juger primitive. « Je voudrais sauver ce jeune homme, » dit-il au chef de la garde. « Il est dans les conditions voulues pour avoir sa grâce. Jamais un meurtre ne fut plus excusable que celui de ce jeune infortuné. « Quel âge as-tu ? » poursuivit-il en s'adressant au meurtrier. « Pas encore 20 ans. « Eh bien, veux-tu conserver ta vie ?»« Certes, je le veux. » « Eh bien, il faut rompre quelques préjugés et abjurer le christianisme. À ce prix, je te fais l'un des nôtres et, comme un enfant de Mahomet, tu appartiens à présent à sa bannière. Ces hommes ne peuvent plus rien sur toi. » Et s'approchant tout à fait de Pinheiro, il le couvrit de son manteau. C'était un signe sacré d'adoption. Les gardes délièrent aussitôt les liens qui retenaient encore les bras de l'Espagnol, et le malheureux, après avoir secoué la tête et l'avoir relevé avec fierté, se prosterna aux pieds du fakir en lui demandant de le bénir comme son fils. « Je te bénis, mon enfant, » dit le prêtre musulman. « Viens seulement dans ma cabane solitaire. Là, tu pourras étudier la nature dans son grand livre, et ses plus belles pages te sont peut-être réservées. » Pinheiro suit le fakir qui le conduit par le rivage à 2 milles environ de la ville de Gezaïr. C'est là, au commencement du désert, que la charité des croyants avait construit une cabane pour que le saint homme pût prier à l'abri, et que du moins il eût un asile. Du reste, un banc de bois, une natte de paille, une cruche d'eau, quelques dattes fraîches avec du riz cuit à l'eau, voilà l'intérieur de la cabane du fakir Ahmed ben Ibrahim al-Jarraz, l'un des hommes les plus renommés de sainteté dans l'islamisme. Il entreprit de faire de Pinheiro un saint homme comme lui. La tâche, comme on va le voir, était au-dessus d'une science humaine. Souvent il parlait au jeune homme prédestiné de la grâce que lui avait faite le Seigneur en le choisissant, lui, tout indigne instrument, pour conserver un de ses ouvrages. « Adorez Dieu !» lui disait le fakir. Et il lui faisait lire, car il savait l'arabe, le Salal Mozhtakin ou Zad al-Aybetin, composé par le savant Abdallah el-Lahi, le Zad al-Mutakin d'Abdou Abdallah Mohamed ben Afilia Bokhari, le Zad al-Zouad, livre de Shams ed-Din al-Arifin Yusuf ben Nasser, sur la vie retirée et pénitente de ceux qu'on appelle Zahed, dans le pluriel Zouad Letzad al-Messir, et une foule d'autres livres tout aussi curieux sur lesquels il méditait. Il jugeait Pinheiro d'après lui-même, et croyait que cet homme, que sa bonté avait enlevé à une mort effroyable, devait en consacrer la partie qu'il lui avait conservée au service du prophète. Mais Pinheiro était un de ces êtres qui déjouent le coup d'œil le plus exercé, l'habileté la plus savante. On croyait juger un homme, c'était une bête féroce, ne différant de la hyène et du tigre, dont les rugissements s'entendaient la nuit au loin dans le calme du désert, que par le raisonnement qui lui faisait cacher ses mains teintes de sang après le meurtre, tandis que la bête des forêts trouve sa gloire à montrer ses griffes encore saignantes et ses soies chargées de dépouilles humaines. Pinheiro était depuis quelques mois auprès du fakir qui travaillait à en faire un serviteur de Dieu, lorsque l'enfer, qui toujours avait réclamé cet homme et le comptait dans sa milice, voulut qu'il répondît à son appel. Bientôt son humeur, déjà sombre, devint effrayante. À peine une parole sortait-elle de sa bouche dans une journée. Le fakir redoubla ses macérations et ses austérités pour obtenir du ciel une guérison, c'est-à-dire un miracle. Pinheiro, pendant ce temps, rêvait à sa patrie. Il voulait y retourner. Mais le pouvait-il s'en donner sa tête ? Meurtrier à Séville, meurtrier en Afrique, meurtrier en tout lieu. Le misérable était comme Caïn, et portait déjà sur son front le signe des réprouvés, malgré cette beauté qui avait frappé le fakir. Mais Lucifer aussi était beau. Bientôt ce désir de revoir la patrie parla dans le cœur de Pinheiro comme il l'eût pu faire dans celui d'un être bon et humain. L'amour lui-même, ce sentiment que la vertu devrait avoir seule le droit de ressentir, l'amour fit battre son cœur de souvenirs. il se rappela que dans les beaux jours de sa jeunesse, il était aimé de la plus jolie des filles de Séville. Il l'avait quittée dans l'ombre du crime, et ses mains rouges de sang n'avaient pas été aperçues de la jeune Andalouse. Piñeiro espéra qu'elle n'avait pas su sa fuite. Il veut la revoir, et dans une âme ardente comme la sienne, vouloir et exécuter sont une même chose. Il regarde avec désespoir ces plaines de sable qui s'étendent devant lui. C'est la mer qu'il aime. C'est sur elle qu'il veut se hasarder dans une frêle embarcation. C'est sur la mer qu'il veut braver Dieu en y exposant sa tête dévouée au tonnerre de sa justice et dont elle eût été frappée si le Seigneur, dans son équité, n'était quelquefois lent à punir pour montrer la route dans laquelle le crime s'égare, dans sa fausse assurance et son insolente quiétude. Un jour, le soleil était haut du ciel. Il faisait une chaleur qui accablait tout ce qui avait vie et le forçait au sommeil. Le fakir venait de rentrer après une longue course dans des cabanes de pêcheurs pour y porter des secours sans lesquels les malheureux n'auraient pas pu vivre. Ahmed Ben Ibrahim, fatigué bien que satisfait, charge Piñeiro de veiller à l'entrée de la cabane et se jetant sur la paille qui lui sert de couche. Après avoir prié fervemment, il s'y endort avec le calme de l'innocence et de la vertu, croyant reposer sous la garde d'un enfant reconnaissant et n'ayant près de lui qu'un monstre à face humaine. Le fakir dormait paisiblement. Piñeiro le considère d'abord comme un homme ennemi de sa secte. Dans cette pensée stupide, toute l'absurdité du fanatisme espagnol passe et se consolide. Bientôt il voit en lui une victime dévouée que Dieu lui dit de frapper pour acheter son crime, et c'est avec cette pensée que sa main se porte sur un long couteau, arme terrible et bien connue de l'œil de celui qui a voyagé en Espagne. Piñeiro le retrouve. Il s'approche doucement du fakir. Il lève la main pour frapper celui qui retint sur sa tête le bras du bourreau, près d'y retomber avec le glaive de la justice. Mais une force inconnue le retient. Il ne sait pourquoi il ne peut tuer, lui, dont la main savante comptait les journées par les crimes. « Et quoi ?» dit le scélérat. « Serait-ce donc cette ombre fantastique qu'on appelle reconnaissance qui me retiendrait ?» Et un rire infernal vient entrouvrir ses lèvres. Il se rapproche de la couche du solitaire. Il lève le couteau, et cette fois, la main obéissante a même dépassé l'espérance. La victime n'a pas poussé une plainte. Le couteau avait traversé le cœur. Piñeiro, seul avec le cadavre, est sûr de n'être pas troublé, cherche dans la cabane ce qu'il peut y trouver digne d'être emporté, pour lui faire oublier le souvenir importun de ce vieillard qu'il voit là, gisant à ses pieds et répandant un ruisseau de sang qui gêne la marche du meurtrier. Mais il ne trouve rien. Le fakir était pauvre. Il était un homme de son Dieu. Les vrais croyants lui remettaient leurs aumônes et lui-même les distribuait. Une imprécation blasphématrice s'échappa de la bouche de l'impie. Enfin, il se rappelle que le fakir couvrait avec grand soin la planche sur laquelle il couchait. Il prend le cadavre par les pieds, le tire avec violence et commence sa nouvelle recherche avec plus d'ardeur, parce qu'il était presque sûr de réussir. En effet, parmi la paille souillée de sang sur laquelle gît le cadavre, Piñeiro a trouvé un petit sac en peau de gazelle. Ce sac contient quelques pièces d'or dont la vue allume sa cupidité. Mais il devient insensé de joie en poursuivant sa recherche. Il a trouvé au fond du sac des pierreries fort belles, d'une valeur qui excède les prétentions qu'il formait. Il repousse le cadavre sur la couche de paille où il l'abandonne, sans lui mettre sur sa nudité ensanglantée ce même manteau que l'homme du prophète avait jeté sur ses épaules, pour annoncer par cette action qu'il l'adoptait et l'enlevait à la mort. Il abandonne la cellule, et s'élançant sur le rivage, il attend un bâtiment, un vaisseau, une barque, qui le transporte sur la côte espagnole. L'enfer l'exauce. Il fait le trajet avec sûreté et débarque vis-à-vis Malaga. Là, il vécut quelques semaines dans une sorte de solitude pour être certain que sa vie était en sûreté, ne se communiquant que ce qu'il fallait pour apprendre ce qu'il voulait savoir. Tout était calme, et son nom, que les hommes devaient redouter et Dieu maudire, n'était prononcé qu'avec l'indifférence de l'ignorance. Cette sécurité lui devint funeste. Il présuma de sa destinée et brava tout ce que les hommes ont de plus sacré. Un jour, il était assis sur un rocher près de la route qui conduit de Malaga à Antequera, près de la Venta qui est à mi-côte au milieu de rochers nus et stériles. Ainsi placé sur le haut de ce roc, Il semblait être l'ange malfaisant de la contrée. Le soleil se couchait, tout était calme dans la campagne. Tout à coup, Pinheiro voit à quelques pas de lui une apparition fantastique. C'était un ange de lumière, un ange de paix et d'amour. C'était une jeune fille âgée de 16 ans. Elle est blanche et rose comme ces roses et roses dont les pétales sont si frais. Ses cheveux blonds tombent sur son front et ses épaules comme un voile d'or. Cette belle apparition est vêtue de blanc et marche avec une telle légèreté que ses pas ne se font même pas entendre. Elle était rêveuse et marchait lentement, en prenant par intervalle un peu de repos. Pinheiro s'est élancé de son rocher et s'approche d'elle. Le jour est à son déclin, mais il reste encore assez de clarté pour juger de l'homme qui s'offre ainsi à sa vue comme un malfaiteur en sortant d'une retraite qu'on peut appeler un repère. La jeune fille frémit. Elle regarde dans la route qu'elle vient de parcourir. Elle est solitaire. « Que voulez-vous » dit-elle au bandit qui s'approche toujours plus d'elle et dont les regards ardents la font frémir. « Que voulez-vous ? Tenez, prenez ce que j'ai. » Et l'innocente lui donnait une chaîne d'or à laquelle tenait sa montre. « Ce n'est pas de cela que je veux maintenant, » dit le brigand en passant un bras autour de la taille de la jeune fille. Et ses lèvres impures ont souillé celles de la naïve enfant. Un cri de terreur sort de sa poitrine, mais il se perd dans les cavités de ces rochers massifs qui entourent la Venta. Pinheiro, acharné sur sa proie, se rit des larmes de la belle Vierge et se joue de sa défense. Enfin, les cris de la victime sont entendus. On a répondu du bas de la montagne. Ses voix deviennent plus distinctes. Pinheiro s'échappe après avoir jeté sur l'herbe, privé de connaissance et presque mourante, l'infortunée sur laquelle il a assouvi sa brutalité. Les hommes arrivent sur le lieu de la scène. Ils sont à mulet, car des voitures ne peuvent aller dans cette route. Ces hommes, c'est le père, c'est le frère de la jeune victime outragée, dont les larmes sont d'abord la seule plainte. Dès qu'elle est comprise, son père, son frère et tous leurs domestiques se mettent à la recherche du misérable, de l'assassin, car la malheureuse enfant est mourante. Bientôt Pinheiro, malgré sa fuite et la connaissance qu'il avait de ces montagnes, est arrêté par l'un des muletiers. En se défendant, il tira sur un de ses hommes et le tua. Transféré aussitôt dans les prisons de Séville, il est condamné à être enfermé pour le reste de ses jours dans un vieux château mort presque en ruine et situé entre Malaga et Vélez Malaga, tout à fait au bord de la mer. Ce château, qui avait encore quelques restes de fortifications, mais dont néanmoins la presque totalité tombait en ruine, était seulement gardé par 3 ou 4 invalides qui étaient suffisants pour maintenir l'ordre parmi un nombre égal de prisonniers qui étaient enchaînés par le milieu du corps. Ce que je raconte se passait en 1775 et sous le ministère de M. de Campomanes. Pinheiro était dans ce château depuis plus d'une année. Il avait été dépouillé de toutes les pierreries du fakir lorsqu'il avait été arrêté. Il ne lui restait donc aucun moyen de corruption pour séduire les gardes. Il fallait employer un autre moyen et il y rêva. Pendant quelques mois, il fut d'une grande douceur avec le soldat chargé spécialement de sa garde. Cet homme, content de son prisonnier, venait quelquefois causer avec lui. Pinheiro lui demanda un soir de s'approcher avec sa lampe pour qu'il pût allumer son cigare. Le soldat, sans méfiance, s'approcha en effet de lui. À l'instant même, Pinheiro le saisit et l'étreint dans ses bras de fer. Tous deux luttent ensemble, mais Pinheiro avait la double force de la jeunesse et du désir de s'échapper. La lutte fut terrible, mais courte. Un coup de couteau étendit le malheureux gardien aux pieds de son prisonnier. Libre alors, Pinheiro se baisse sur le cadavre et prend la clé du cadenas de ses chaînes. Il était libre d'agir, car la partie du château où il était formait la partie la plus déserte et la plus éloignée de tout secours. Aussi, les cris du malheureux gardien n'avaient-ils pas été entendus. Pinheiro, libre de ses chaînes, se jette à la mer et gagne le rivage prochain pour éviter de passer devant le corps de garde du château. Il aborda, sans avoir couru le moindre danger. Un honnête homme eût peut-être péri. Il était là, mouillé, transi de froid et presque malheureux d'être libre, lorsqu'un homme à cheval passa devant lui. Le jour commençait à poindre. Il voit un homme presque nu et près de périr de besoin et de froid. Il s'arrête et s'informe de la raison qu'il a jeté ainsi tout abandonné sur le rivage, car il n'y a eu, dit le voyageur, aucune tempête depuis plusieurs jours. Pinheiro raconte alors qu'une barque sur laquelle il était venait de sombrer, et que de 17 passagers lui seul s'était sauvé. Le voyageur descendit de son cheval, et détachant son manteau, il fit comme le bon samaritain et en couvrit le malheureux. « Maintenant, lui dit-il, si vous voulez monter en croupe derrière moi, je vous conduirai à Malaga, où je me rends. » Pinheiro, après avoir remercié son bienfaiteur, accepta avec une reconnaissance apparente. L'infortuné le prend avec lui. Il se remet en route en suivant le bord de la mer et devisant ensemble comme d'anciens amis. Tout à coup, un cri sourd s'est fait entendre. Le voyageur a chancelé. Il a été frappé d'un coup de couteau dans le milieu du dos. L'infortuné n'a pas même pu jeter un coup d'œil de malédiction sur son meurtrier. Pinheiro descend du cheval, jette le cadavre dans la mer après l'avoir dépouillé, mais de son argent et de son or seulement. Puis, après avoir vu s'ouvrir et se refermer sur sa victime son humide tombeau, il remonta à cheval et prit la route de Gibraltar. Arrivé dans cette forteresse, Pinheiro se conduisit pendant une année avec une telle régularité que le gouverneur de la ville lui donna toute sa confiance. Il était pieux, fréquentait le prêche et se disait protestant. Il affectait une profonde tristesse dont il donnait pour raison la perte d'une femme qu'il avait adorée. Le gouverneur l'aimait et en vint au point de lui confier des missions qui pouvaient avoir de l'importance. Un jour, un officier anglais de haute naissance arriva à Gibraltar. Il était jeune, riche, et voulut faire le voyage d'Espagne et de Portugal, mais seul, sans aucun train, ayant seulement avec lui un homme parlant à la fois l'espagnol et l'anglais et qui connut le pays. « Pardieu, dit le gouverneur, j'ai votre affaire. Mais il faut savoir s'il voudra quitter Gibraltar et surtout me quitter, car il m'aime beaucoup, et je lui ai voué une grande affection comme je lui dois, car c'est un homme tout à fait au-dessus de son état. » On appela Pinheiro et le gouverneur lui proposa de faire, avec son cousin, le tour d'Espagne et de Portugal. Pinheiro se fit longtemps prier, mais enfin il céda. « Pour monsieur le gouverneur, dit le monstre en s'inclinant. Le jeune officier fit ses préparatifs. Il prit avec lui un simple porte-manteau et un portefeuille garni de lettres de change. « Ce n'est pas cela qu'il vous faut, dit Pinheiro. Que voulez-vous faire d'une lettre de change sur un banquier de Carthagène s'il vous prend fantaisie de ne pas y aller et d'aller dans la montagne ou dans la plaine ou sur la mer ?»« Non, non, prenez de l'or. Vous en pouvez prendre ce qui vous est nécessaire pour notre voyage, sans que cela vous gêne. Je porterai la valise et tout sera facile. »« Il a grandement raison, s'écria le gouverneur. Il faut faire ton arrangement comme cela, Édouard, et bien écouter, Pinheiro. » Seulement, je vous prie de faire grandement attention à une chose bien importante, dit le bandit. C'est de ne pas parler, même au valet de chambre que vous laissez ici, de ce que vous emportez. J'ose l'exiger. Il a raison, dit le gouverneur. Et sa réflexion est d'un honnête homme. La soirée fut employée à faire une ceinture de peau de daim dans laquelle on plaça 20 000 francs en or. C'était bien convenable pour un voyage fait à pied et à cheval pour deux hommes seuls. Néanmoins, frappé de cette idée, qu'il pourrait avoir la fantaisie d'aller dans un lieu où il ne connaîtrait personne, le gouverneur et son cousin voulurent que le jeune lord eût une ceinture dans laquelle on plaça seulement 3 000 francs. Ils partirent à cheval, tous deux, et s'avancèrent dans l'intérieur du pays. Pendant quelques semaines, Lord Baldwin donna régulièrement de ses nouvelles. Ils entrèrent en Estramadure. Alors elles devinrent plus rares. Dans toutes ses lettres, Lord Baldwin se louait de la conduite de Pinheiro. « C'est un frère, un ami, écrivait-il à son cousin. Il ne me quittera jamais. Il m'a promis de me suivre en Angleterre. » Tout à coup, les nouvelles cessèrent. Le gouverneur écrivit. Rien ne se disait sur le compte de Lord Baldwin ni sur celui de Pinheiro. Enfin, les recherches prennent un caractère d'enquête. Les voyageurs avaient, pour ainsi dire, disparu dans l'Estramadure, du côté de Truquillo. Lord Baldwin avait annoncé son intention d'aller herboriser sur le Puerto del Mirabete. Il était parti avec Pinheiro, et ni l'un ni l'autre n'était revenu. Qu'était-il devenu ? Le gouverneur de Gibraltar écrivit au Premier ministre à Madrid, et la réponse qu'il en reçut le frappa au cœur. Ce Pinheiro, qu'il avait donné à son cousin pour guide et pour défenseur, était un brigand souillé de tous les crimes et couvert de sang. Aussitôt les recherches les plus actives furent ordonnées. Toutes les solitudes de l'Estramadure furent fouillées avec soin. On chercha dans les bois, dans les retraites les plus sauvages. Enfin, le misérable fut arrêté et conduit dans les prisons de Malaga. Le monstre avait égorgé Lord Baldwin dans un moment où le malheureux jeune homme, fatigué d'une longue course, s'était endormi sur l'épaule de Pinheiro. Le monstre avoua tout. Il est étrange de penser que dans le XVIIIe siècle, dans un pays où jadis il y eut de la civilisation, on fut aussi étrangement coupable de faiblesse dans la distribution de la justice et des lois. Et pourtant cette histoire est vraie. Elle est vraie de tout point. Et certes, elle prouve ce que je vois souvent. C'est que loin de chercher des faits imaginaires qui torturent l'imagination, il faudrait ne pas traverser la vie en aveugle et entouré comme nous le faisons souvent. Nous trouverions nos tableaux dans la nature, et souvent, trop souvent, d'une affreuse nudité. Pinheiro avait alors seulement 28 ans. Il était d'une remarquable beauté, comme je l'ai déjà dit. Son âme était ardente et passionnée, et l'amour dans cet homme était la plus terrible des passions. Dans la même prison que lui, à Malaga, était enfermé un homme dont la femme venait chaque jour le voir et le soigner. Cette femme était belle. Son cœur ne répondait pas à cette beauté, car elle s'aperçut de celle de Pinheiro et son œil ne se baissa pas avec horreur devant le regard d'amour du monstre. Bientôt Pinheiro aima cette femme avec d'autant plus de fureur qu'il s'en vit aimer. Mais par un bizarre assemblage que l'on comprendra, pourtant cette femme aimait un assassin, un homme souillé de crimes, et ne voulait pas manquer à son devoir. Pinheiro, chaque jour plus épris, devint de nouveau meurtrier pour satisfaire sa passion forcenée. Le mari de cette femme tomba sous le poignard du bandit, et chose étrange, il en fut frappé dans la prison même où il attendait sa sentence pour monter à l'échafaud. La veuve de la victime, pour prix de l'assassinat, devint la femme de Pinheiro. Et ce mariage monstrueux, cette union qui devait produire de ces monstres effrayants qui font l'horreur d'un siècle, cette union fut bénie et consacrée. Dieu, dans les voies de sa sagesse, réservait sans doute plus tard un châtiment terrible à de pareils coupables. Il faut le croire ainsi. Enfin, Pinheiro fut jugé. Il le fut par la chambre de justice de Séville. On le condamna à la déportation. On croit rêver. Mais ce qui est plus inconcevable, c'est que le monstre se trouva injustement puni. Tant d'insouciance avait à la fin produit son fruit. Il se croyait innocent. Il ne pouvait présumer que la société fût en effet blessée de ses crimes, puisque la justice était si lente à punir. Pinheiro en appela. Il en appela à la chancellerie de Grenade. Il avait été condamné aux mines. La chancellerie de Grenade, ayant revu ce procès qui n'était qu'un tissu d'horreur et de crimes plus sanglants, plus infâmes, plus hors nature que tout ce que l'imagination la plus en délire eût inventé jamais, la chancellerie de Grenade ordonna que le procès serait revu en entier. L'enquête recommença. Cette fois, la justice fut équitable envers l'humanité offensée. Pinheiro fut condamné à être pendu. S'il avait trouvé le premier jugement trop rigoureux, on doit penser ce qu'il éprouva en écoutant la sentence du second. Furieux surtout contre le greffier qui avait rédigé la procédure, il le condamna de son côté et résolut de le frapper au moment où il lui lirait sa sentence. Heureusement pour cet homme, qui devait être la dernière victime dans ce drame épouvantable, qu'il fut malade ce jour-là, et un autre greffier prit sa place. En le voyant, Pinheiro s'avança froidement vers lui et tirant son long couteau à lame brillante et pointue, il le lui présenta en lui disant « Prenez-le, il n'était pas pour vous. Maintenant, je n'en ai plus besoin. » Il fut exécuté à Grenade même, en l'année 1777, au mois de septembre. Ainsi s'achève Le brigand de Séville, de Laura Brantès.